Oh yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Oh yeah yeah yeah yeah yeah yeah. I got the love, we got the love. I got the love, we got the love. Tu veux me couvrir de cadeaux, tu me questionnes, mais y'a nada qui m'impressionne. J'avoue que les miches c'est tendance, moi je garde mon indépendance. On m'entretient pas au limite, j'ai payé toute seule mon Louis. Non t'as pas besoin de penser, moi je t'ai parlé français. Je vois t'as pas compris que c'est mort. Game over, j'ai déjà le cœur dans mon Range Rover. Game over, l'argent ne fait pas l'over. Regarde t'es lové. I got the love, mon gars t'es love. I got the love, mon gars t'es love. I got the love, mon gars t'es love. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Oh na na na na na na. Oh yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Na na na na na na. Mais garde ton osé, achète-toi un charisme. Moi j'suis pas naïf, t'es tout pété. Boy, tu mises tout sur le papier. Boy, trop fier, oh yeah yeah yeah. Avec mes gaussures dans le gamos. Best life, mais on arrose. Non t'as pas besoin de penser, moi j't'ai parlé français. J'vois t'as pas compris que c'était mort. Game over, j'ai déjà le cœur dans mon Range Rover. T'es game over, l'argent ne fait pas l'over. Regarde t'es lové. Love, I got the love. Mon gars, t'es love. I got the love. Mon gars, t'es love. I got the love. Mon gars, t'es love. Game over. J'ai déjà le cœur dans mon Range Rover. Game over. L'argent, je fais pas l'over. Yeah, yeah, yeah. Na na na na na, I love. Yeah yeah yeah yeah, I got the love. Na na na na, I got the love. Yeah yeah yeah yeah, I got the love. Na na na na na, I got the love. Yeah yeah yeah yeah, I got the love. Na na na na na, I got the love.